Chui Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central et du parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a inspecté la sous-équipe des jeunes de la ferme coopérative de Sangso, ville d'Anju, province du Pyongan du Sud. En faisant le tour des champs, de l'entrepôt des appareils aratoires, du bâtiment d'élevage et des chambres de la sous-équipe des jeunes, il a souligné aux jeunes de faire toujours honneur aux exploits de direction du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont pris l'initiative du mouvement de sous-équipe des jeunes dans la campagne et l'ont conduit pas à pas. À l'usine des appareils de sport de la jeunesse d'Anju, Chui Ryong-hae a prié de procéder au travail organisationnel et politique pour augmenter la production de divers appareils de sport.